Victor, مساء الفريق ماشي بزاف، سندو معك شوية. حاول دائما تكون هو جراك خير ورجلك تكونوا كبار، والناس اللي عاونوك ما تحاولش تنساهم. ما واش دير صديق راه صعيب باش دير صديق، واش تخسر صديق طيفاتي. وماما خلاص فرحانة بزاف، واخا انا في الخبر فرحانة بزاف هادشي اللي تدير فيه. والله يعاونك والله يسر ليك، وكون راجل كل مدينة. Cinq ans, on ne me risque, j'ai pas fait la fac. Zan, ça me finance par les tacs. Mais tire, sur, t'y fallait pas, ouais. Sans cave, la quiche, ça me bombe l'agenda. Serge, budget, f'co, qu'épargne. Bon, t'as pas qu'à fallait pas, ouais. Sum Coca-Cola, ou c'est le capital. Pour ta vie, serre son débat. Bon, t'as pas qu'à fallait pas, ouais. Soldat BNG, bloc, c'est solidat. Zan, ça me finance par les tacs. Bon, t'as pas qu'à fallait pas, ouais. Des jeunes agressifs, cool j'y qui blessé, j'y qui bêche, j'y qui grissi. Hein, j'y fais si, je mousse l'adhésif. Ça vient de la décir, sans ceux qui m'agressent. Des jeunes agressifs, me casse à l'gursif. Cool j'y qui blessé, j'y qui bêche, j'y qui grissi. Hein, j'y fais si, je mousse l'adhésif. Ça vient de la décir, sans ceux qui m'agressent. Yeah. Cool j'y perd et t'as la pile. Je vis tête, pis ça pour dit tête. J'arrache quel carapice. Avenue liberté, pis c'est à coup j'y pète. Coup j'y perds et t'as la pisse. Je vis tête, pis ça pour dit tête. J'arrache quel carapice. Avenue liberté, pis c'est à coup j'y pète. Haram, menkom haram. Fortuné ou jara, aïe chef d'alam. Daram, wast ben daram. Ghadi bna dara, tala fuq haram. Haram, fuq min haram. Fihni libal, habbu l'gharam. Haram, minkum haram. Fushuni u jara, aisha f daram. Sabotaj bal kolos rolodi. Coup j'y perds et t'as la pisse. Je vis tête, pis ça pour dit tête. J'arrache quel carapice. Avenue liberté, pis c'est à coup j'y pète. Coup j'y perds et t'as la pisse. Je vis tête, pis ça pour dit tête. J'arrache quel carapice. Avenue liberté, pis c'est à coup j'y pète. Sal cursif, kulshi ki blessi, shi ki beshi ki grisi. Haji shi fesi, se mousta desif. Sa vient de la desi, rassons ceux qui m'apprennent.